Salut à tous et bienvenue dans Solid Gold. J'espère que vous allez bien. Solid Gold, chaque semaine à la radio, c'est votre émission de variété anglo-saxonne. On va, pendant deux heures, bien sûr, se balader dans la variété anglo-saxonne. D'habitude, je dis des années 50 à nos jours, sauf aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, ça va être une spéciale disco. L'émission, après sa diffusion, vous pouvez la retrouver sur le site solidgold.fr, à écouter en direct sur le site, à télécharger, ou bien vous pouvez vous abonner au podcast pour recevoir directement les nouvelles émissions dès qu'elles paraissent, solidgold.fr, et il y a également la page Facebook Solid Gold, votre émission de variété anglo-saxonne, pour être tenu au courant de tout ce qui se passe. Notre artiste fil rouge du jour s'appelle Van McCoy, et vous connaissez forcément ce morceau qu'on vient d'entendre, The Hustle, qui est un morceau, un tube des années disco. Van McCoy, son auteur, est né dans les années 40 à Washington, et c'était un musicien de studio et qui a commencé à sortir des singles dans les années fin des années 50. Et puis il est devenu un des rois du disco, et puis n'a pas pu continuer puisqu'il est mort brutalement en 1979, alors que il trustait les playlists des DJ dans les nightclubs, comme on disait à l'époque, avec notamment ce tube The Hustle. C'est une compilation qui va nous accompagner aujourd'hui, New Excellent. Et puis du coup on va faire un Solid Gold spécial disco. On va retrouver tout de suite Van McCoy avec Soul Cha-Cha, et puis juste après, en 1979, Dionne Warwick avec Out of My Hands. Oye, ven, McCoy, tú vas a bailar conmigo. Dímelo ahora. Une émission aux couleurs disco aujourd'hui dans Solid Gold avec Van McCoy et sa compilation New Excellent qui rend hommage à ce musicien qui est surtout qui a disparu au sommet de sa gloire en 1979. On vient d'entendre The Shuffle. On va le retrouver tout de suite avec Disco Kids. Et puis en 1978, Barry Manilow, certainement l'un de ses plus grands succès internationaux, Copacabana. So cool. Thank you.

Van McCoy dans Solid Gold avec Love at First Sight. Aujourd'hui, on rend hommage à Van McCoy avec cette compilation New Excellent. Et puis, on rend par ricochet un hommage aux années disco avec une programmation totalement disco. Van McCoy, cette compilation New Excellent d'ailleurs qui est sortie au Japon. C'est un import japonais parce qu'il y a finalement très peu de maisons américaines qui se souviennent encore de Van McCoy, et c'est bien dommage. Backstabbers, c'est une reprise qu'a faite Van McCoy de ce tube des OJs. On va l'écouter tout de suite, et puis après, vous ne pouvez pas ne pas connaître ce tube des années disco, le fameux Ring My Bell d'Anita Ward. Stand up. Une plongée dans les années disco aujourd'hui dans Solid Gold avec Van McCoy et la compilation New Excellent. On vient d'entendre le morceau Boogie Down qui n'a aucun rapport avec la chanson d'Al Jarreau en 1983 juste avant. C'était Anita Ward. On va le retrouver tout de suite, Van McCoy avec Earthquake. Et puis juste après, bah, eux aussi sont des emblèmes des années disco, les Bee Gees, avec un tube qui a suivi la BO de Saturday Night Fever. C'était sur leur album juste après le morceau Tragedy. Shake it up, boom, shake it, shake it up. Shake it up, boom, shake it, shake it up. Shake it up, boom, shake it, shake it up. Shake it up, boom, shake it, shake it up. Aujourd'hui, c'est Disco Baby dans Solid Gold. Et ça tombe bien parce que c'était le titre du morceau de Van McCoy qu'on vient d'entendre. Van McCoy, qui est notre artiste vedette du jour avec la compilation New Excellent, qui nous donne l'occasion de faire une programmation 100% disco. 100% disco, et pourtant, dans la carrière de Van McCoy, il y a des morceaux bizarres, comme cette reprise du thème de Star Trek version disco. Et oui, c'est même sorti en single à l'époque, et elle est sur la compilation New Excellent, donc on va l'écouter, la reprise du thème de Star Trek. Et puis ensuite, une icône Motown des années disco. Il y en aura deux, il y aura Diana Ross, bien sûr, tout à l'heure, mais là, c'est Thelma Houston avec Saturday Night, Sunday Morning. We'll be right back. things, they're not always true. You thought that I was made out of ice, but I caught on fire with you. And I sparkled for a moment, then I flickered out. I couldn't feel the flame anymore, but darling, I'm feeling it now. It took such a long time to convince me you could feel that empty space. Ooh, but Saturday night is shining. In the afterglow, I feel you moving into my life, and this time I won't let you go. No, baby. Sunlight is streaming through the open window while you're dreaming in my arms. Oh, took such a long time to convince me you could feel that empty space. les années 70, c'était aussi les années militantes pour les Noirs américains, ce qui explique que beaucoup ont cherché à retrouver leurs racines africaines dans leur musique. Van McCoy s'y est essayé avec cette African Symphony qu'on vient d'entendre et qui est sur la compilation New Excellent qui nous accompagne aujourd'hui comme The Walk, le morceau qu'on va écouter maintenant. Et puis après, un tube des années disco aussi, McFadden et Whitehead avec Ain't No Stopping Us Now, un morceau qui a été repris un nombre incalculable de fois. Walk, walk, ooh. Yeah. Walk. Mm-hmm.

Elle a tout traversé, de la soul des années 60 à la dance des années 2000. Diana Ross a été aussi une icône du disco dans les années 70, notamment avec ce morceau The Boss. Encore une reprise sur la compilation New Excellent de Van McCoy qui nous accompagne aujourd'hui dans Solid Gold. You are the sunshine of my life. Bien sûr, c'est une reprise du tube de Stevie Wonder. Et puis juste après, Gladys Knight and the Pips, période disco. Ain't no greater love. least a million years. Let me love you for a long, long time. You and I will deny sorrow. Comme à toutes les époques et tous les styles de musique à la mode, il y a les tubes et puis il y a aussi les chansons moins connues, voire inconnues. Et c'est aussi ce qu'on fait dans Solid Gold, on découvre des choses. Joe Casey and Fresh Hair avec Let Me Hold You. C'est le morceau qu'on vient d'entendre juste avant, c'était Gladys Knight and the Pips. Doctor's Orders, c'est le morceau extrait de la compilation de Van McCoy, New Excellent, qu'on écoute aujourd'hui dans l'émission. On va l'écouter tout de suite, ce morceau. Et puis juste après, ce sera Emmanuel Lasky avec I'd Rather Live on My Feet. C'est sûr qu'il vaut mieux partir debout. keep living on my knees, honey. Huh. I'd rather be on my two feet and somewhere dead. Listen, baby, I wanna tell you something. You just don't know how lucky you are. But this is what I wanna tell you, honey, is keep me crying won't get us very far. Crying won't do nothing, dear. But make me get up and leave you one day. Ever since, girl, you've got my nose open, honey. You keep all kinds of tricks up your sleeve. You know I really love you, girl. But you're treating me so mean and cruel. I know you want me to get down on my knees and beg. But I'm sorry, girl, I've got news for you. I'd rather leave my feet, baby, Lord have mercy, and live on my knees, darling. I'd rather leave on my feet, girl, and live on my knees now. You know I want you so badly, I can't help but dream about you all the time. But my pride is getting too much for me. If I lose you, I'd go out of my mind. I wish I knew little Maggie, girl. I'd be watching over you in a big tall tower. But what I do with my magic first is a try and when you're under my power. I believe it would be a waste of time. All the magic and joke about me and you. I'm just fed up with the way you're doing me, girl. So I'll agree that you and I are through. Baby, I live on my knees. tired of begging, woman. I'd rather leave on my feet than continuously beg on my knees, girl. I've got to keep on moving on. Every dance with the girl. La programmation de Solid Gold aujourd'hui aura été décidément disco, avec à l'instant Van McCoy, qui est notre artiste fil rouge du jour, Love is the Answer, et puis juste avant, Patti LaBelle qui reprenait version disco un tube de la country. Et oui, c'est tout à fait étonnant, mais c'est Patti LaBelle, Save the Last Dance For Me. On arrive à la fin de ce Solid Gold. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de votre émission de variété anglo-saxonne. On va se retrouver bientôt pour un nouveau Solid Gold. Mais d'ici là, vous le savez, le site internet solidgold.fr. Si vous voulez réécouter toutes les émissions, elles y sont. À écouter en direct, à télécharger, ou bien vous pouvez vous abonner au podcast. Et puis vous pouvez aller sur la page Facebook Solid Gold, votre émission de variété anglo-saxonne. À la prochaine émission, un nouvel album fil rouge, comme l'était aujourd'hui la compilation de Van McCoy, New Excellent, compilation sortie au Japon, mais qu'on trouve bien sûr sur internet en téléchargement légal ou à acheter. On va se quitter avec un dernier morceau de cette compilation, Good Night Baby. Eh bien moi aussi je vous dis good night ou goodbye, et puis on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien, salut. Like this.